Le risque de s'endormir au volant est plus important entre 10h et 12h, réponse A. Entre 14h et 16h, réponse B. Entre 18h et 20h, réponse C.